Tu ne me martyrises pas, Helmut Perchu. Non. Je te tiens ça. Ah non, je me calme un peu parce que je sais pas si tu as vu, je suis venu avec un de tes admirateurs. Bah vas-y, il est là, dis-lui quelque chose à Josquin. Je vais t'enculer. Oh, mais tout à l'heure. Attends que j'ai fini. Désolé, je... Oh, j'ai dit pas martyriser. Ah non, mais fais ça bien. Ah, mes amis, quelle angoisse ces examens. Quand je pense que j'ai pas d'enfant et que je me suis fait du mouron pour les 634 000 trous du cul qui passent à l'épreuve de philo ce matin. Des fois, je sais pas pourquoi, mais j'ai des réactions de vraies pétasses ménopausées. Du coup, après l'épreuve, j'ai été à la sortie d'une école. Oh, attention, hein, pas d'interprétation foireuse. Si j'ai fait une sortie d'école, c'était juste pour voir les tronches des mioches après le bac, hein. Y a pas marqué pédophile Colline sur mon blouson non plus, hein. Bref, oh non. J'ai pas pu résister. J'en ai chopé un pour lui demander son sujet. Hey, toi. Moi. Bah oui, toi, c'est toi que je regarde, pauvre con. Allez, approche. Vous allez pas me violer? Mais non, souffle de fion. Bon, c'était quoi ton sujet? Le sujet, c'était... Être libre, est-ce ne rencontrer aucun obstacle? Nom d'une salade de couilles d'âne! La liberté! Quand je pense qu'il l'avait dit hier soir dans le fraisier, ils sont trop forts, ces mecs. Bref. T'as répondu quoi? Être libre, est-ce ne rencontrer aucun obstacle? J'ai dit, pas forcément, sauf si on est un cheval. Ah, je vous avais prévenu, hein. C'est con à lycéen, et pas à moitié, hein. Chez les ados, en matière de conneries, y a jamais de vacances. Oh, là, c'est toujours en activité. À présent, si je peux me permettre, j'aimerais en quelques mots donner à la jeunesse qui nous écoute quelques éléments de réponse au sujet. Alors, être libre, est-ce ne rencontrer aucun obstacle? Si on considère que la liberté est un espace acquis, ne plus envisager l'obstacle suppose une disparition de la notion d'action. Pour appuyer mon propos, je citerai ce que dit très justement Paul Lussulitzer dans son dernier livre, « Ma vie, ma balafre ». Ah, mais en restant là, serait occulter la vie d'autres grands penseurs pour qu'une liberté totale passe par l'anéantissement exhaustif de toute forme d'obstacle. Je pense en particulier à ce célèbre philosophe, éleveur de putes et charcutier à la fois, le grand Rocco, qui disait « La culotte des grognasses est un immonde obstacle à la liberté fondamentale de mon salamé. » Et là, mes amis, je crois que Rocco a tout dit. Au revoir.